Exercice 3, page 88. A. R. 1. B. Sel. Sain. C. Belle. Bain. D. Fer. Fin. E. Trait. Train. F. Frère. Frein.